بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تصفية الدعوة السلفية قوة، وأنا والله والله أجتهد فيه وأبذل وسعي فيه هنا من أجل تصفية الدعوة والبعد عن الأهواء. الدعوة السلفية، الدعوة السلفية تقدم لكم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دروس اللغة العربية. تمد مدين أبي أبو يوسف عبد الله العاجي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبع أثارهم اكتفى. تمام. دونك لو بروميير اون افي كو لا اون افي لي ريغل كي سون ريلاتيف او مبتدا او خبر. تمام. parmi ces règles tu rappelles un peu parmi les règles du مبتدا خبر. L'un il va pas sans l'autre. Tout مبتدا objet qui a un خبر après. Comme le فعل l'objet d'avoir un فعل. Le verbe l'objet d'avoir le sujet comme ils disent. Le فعل. Le خبر c'est information qui est donnée sur le mubtada. Ouais. C'est pas obligé qu'il y ait un verbe. Non, il n'y a pas de verbe. Parce que c'est nominal. Ouais. Phrase nominale. Voilà. Le mubtada, comme on a dit, c'est quoi? C'est la humda. C'est-à-dire la chose qu'on ne peut pas supprimer. Excepté s'il y a un indice qui prouve cela. Demain. Chose qu'on ne peut pas supprimer, mais surtout, la norme par laquelle tu reconnais le mubtada, c'est qu'il faut qu'il y ait l'information. Elle tourne autour de cette chose-là, de ce muftada. Il y a une information, cette information-là, à partir du moment où elle pivote autour de lui, khalas. Tu peux t'assurer que c'est lui le muftada. C'est lui le muftada, tamam. Le khabar, c'est celui qui va compléter avec le muftada la phrase. Ma ya'tatimu bihi ma'a al muftada al fa'ida. Celui qui va compléter avec le muftada la phrase. C'est-à-dire, dès que tu vas ramener le muftada, ensuite tu vas ramener le khabar. Avec cet ensemble là, la phrase va être complète, c'est à dire qu'on n'aura plus besoin d'une autre information, on suffira de cette information, elle est amplement suffisante, elle n'a pas besoin d'un complément pour complémenter la phrase, elle suffit elle-même avec le mubtada ou le khabar. Après on avait dit parmi les règles du mubtada, on a commencé par le mubtada, on a vu il avait trois règles. Le premier c'est son nom, il indique mubtada, c'est à dire c'est lui qui est au début, tu vois. Voilà, mubtada c'est quoi? Ça vient de bidaya. C'est-à-dire que c'est lui qui commence la phrase. Tu vois, de manière basique. Mubtada, ensuite le khabar. C'est-à-dire que le khabar, il vient après le mubtada. Il peut avoir des cas d'exception, à la kulli hal. Là-bas, c'est comme ça. Mubtada, ensuite khabar. Donc c'est lui qui commence la phrase. T'as-t'as? Ensuite, on a vu le mubtada. Il n'y a pas de truc devant. Il est connu. Voilà, il faut qu'il soit défini. Il est défini au contraire du khabar. Le khabar, lui, il est indéfini. Mubtada, il est toujours défini. Et le khabar, il est indéfini. Ça, c'est de manière générale. Il y a toujours des exceptions. L'autre règle, il y en a qui va avec le mubtada, c'est que... Par exemple, s'ils sont masculins, les deux... Non, ça, c'est avec le khabar. Ah, ouais. C'est que le mubtada, comme le khabar, ils sont toujours marfou. C'est-à-dire que sa terminaison, c'est toujours avec une dhamma ou dhammatayn, ou la chose qui va remplacer la dhamma et la dhammatayn. T'as-t'as? On va voir, il y a des choses qui remplacent Damma ou Dammatay. Maintenant, le waouh. Hein, tu dis Abu al-Qais, maintenant. Abu al-Qais. Tu dis pas Aboun. Abu. Le waouh ici, il remplace la Damma et la Dammatay. Donc, il commence la phrase, le Mubtada vient après. Le Khabar vient après. Le Mubtada, il est toujours marfou. Wa kazalik al-Khabar. Le Mubtada, on avait dit quoi? Il est défini. Le khabar, il est indéfini. Ça, c'est donc pour le nom Mubtada. Il a trois trucs, trois règles. Il commence la phrase, il est toujours marfou, et il est toujours défini. Al-khabar, comme on a pu le voir, il vient après, il est toujours marfou, et il est toujours indéfini, et il faut qu'il soit conforme. Masculin. Si c'est féminin, féminin. Si c'est pluriel, pluriel. Si c'est duel, parce que nous on a une chose plutôt dans l'arabe, il y a une chose qui s'appelle le duel. Duel, duel. Si jamais il est duel, duel. Si il est pluriel, pluriel. Comme on avait dit, mutabaqatuhu, mutabaqatuhu, c'est-à-dire mutabaqatuhu. Al khabar, lil mubtada. Donc il doit se conformer au khabar, au mubtada. Le khabar se conforme au mubtada. On regarde. Ah, comme ça. Aminatu, si tu veux dire, elle est debout. Tu diras waqifa. Waqifun ou waqifatun. Tu diras ça ou ça? Je pose la question. Ah, tu dis Aminatou. Tu dis waqifa. Waqifun ou waqifatun. Là, tu diras waqifatun parce que là, c'est féminin. Waqifatun, c'est bon? Maintenant, tu vas dire. Comme cela, moi, je m'étais dit. Maintenant, tu vas dire Zainab. Pour dire Zainab, c'est, tu veux la qualifier ou tu veux nous apporter l'information que c'est une. Que c'est une étudiante. C'est une étudiante. Comment tu diras? Zainab, tu veux. Zainab Moujouda. Tu rajoutes. Tamar Bouda. Ah ouais, Moujouda. Zainab Moujouda. Limaza. Parce que là, c'est un Moubtada Khabar. En gros, l'information tombe sur le. Sur, elle tourne autour du, de Zainab. Tu veux nous apporter l'information qu'elle est présente. T'as. Donc, après, il y a des règles qui en suivent. C'est-à-dire que là, tu as ramené l'information, tu l'as fait près, tu l'as fait venir après. Ensuite, tu l'as toujours, tu l'as laissé, comment ça s'appelle, marfoua, c'est ce que tu as dit, mujtahid, mawjoudatun, tamam. Il faut qu'il soit nakira, là il est nakira, indéfini, il n'y a rien qui le définit. Et il faut qu'il s'accorde, et là tu l'as accordé, mawjoudatun, man zainab. Donc, ça c'est le khabar, le mutadab al-khabar, il faut beaucoup revenir dessus, parce que là, il est beaucoup utilisé. Parce que lorsque tu parles, tu informes des choses, tu vas apporter des informations. Donc lorsque tu apportes des informations dans l'arabe, c'est soit tu les ramènes avec le fi'l, el fa'il, ou soit tu les ramènes avec le mubtada ou le khabar. C'est-à-dire que là, jusque-là, là, on a vu mubtada ou le khabar. C'est-à-dire que toi, là, si jamais on venait à restreindre notre manière de parler, ça serait, on va se limiter au mubtada ou le khabar. Ça veut dire que là, il faut que tu focalises bien dessus, tu connaisses les règles qui sont relatives au mubtada et qui sont relatives au khabar. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Mais c'est juste les règles. Faut pas les oublier, tu vois. Faut les oublier. On va faire quelques exercices à l'oral. On va faire des petits exercices à l'oral. Maintenant, on va faire l'exercice numéro 3 là. Il dit اقرا المثال وكون جملا على غراره. Donc il nous dit lis les exemples qui suivent là, tamam. Et ensuite il dit formule une phrase, tamam, dans la même manière, de la même manière qui est dans les exemples qui sont les exemples précédents. Exercice numéro 3. Leçon numéro 6. Ah ouais. Tamam, il dit Muhammadun Talibun. Donc là, Muhammad Mubtada. Tamam. Talibun Khabar. Parce que l'information, elle vient et elle tourne autour de qui? De Muhammad. Tamam. Là, tu as informé, tu nous informes que Muhammad, c'est un étudiant. C'est un Talib. Tamam, je vais faire la même chose avec Amina. Aminatu. Et on ne dit pas Aminatoun, pourquoi? Pourquoi on ne dit pas Aminatoun? Pourquoi elle a dit Muhammadoun et là elle a dit Aminatoun, elle n'a pas dit Aminatoun? Aminatoun. Pourquoi ce n'est pas Aminatoun? Elle a dit Aminatoun Talibatoun. Et on a dit, à partir du moment que c'est un nom propre, il est féminin, il ne prend pas de tanwin. Il ne faut pas oublier ça, il ne prend pas de tanwin. Talibatoun. Donc là, pareil. Là, la formation, elle a porté sur Amina que c'est une étudiante. Tamam al-an, pourquoi talibun et huna talibatun? Ce qu'on avait dit, le khabar, il faut qu'il s'accorde. Tamam, en genre et en nombre, avec le mubtada. Donc là, c'est le cas. Aminatun, féminin, singulier. Donc talibatun, kazalika, féminin, singulier. Talibatun, tamam. Donc là, c'est la même chose avec ce qui suit là. Hamidun, tabibun. Il y a une information ou pas? Tamam, c'est quoi l'information? Que Fulan, c'est un tabib. Hamid, c'est un mubtada? Naam. Pourquoi? Parce que l'information tourne autour de lui. Et si je l'enlève, ça n'a pas de sens. Tabibun. Tamam. Faites, comment ça s'appelle? La définition, à chaque fois, tu l'appliques. Maintenant, Hamidun Tabibun. Pourquoi Hamid, c'est un tabib, c'est le mubtada? Kada kada. Par rapport à la définition, tu l'appliques, tu vois, pour que ça rentre bien dans la tête. à force, après tu n'auras plus besoin. Direct, ça va être automatique. Taf, taf, tu vas lire, tu vas dire, khalas. Mais pour qu'elle rentre, répète, c'est ma'ruf. Kullu ma takarrar, takarrar. Plus tu répètes et plus ça s'affirme. Ça, ça rentre dans la tête, je veux dire. Donc, hamidun, tabibun. Je vais faire la même chose avec Fatima. Je veux porter l'information sur Fatima, que c'est quoi? Que c'est un tabib, c'est un médecin. Je dirais comment? Fatima tu, tabibatun. Pourquoi? Pourquoi t'as pas dit tabib? C'est féminin, il faut que je l'apporte à féminin. Parce que tabib, c'est un khabar. Okay. Tabiba, c'est un khabar. Et le khabar, il faut qu'il s'accorde en genre, hein, en nombre avec al-mubtada. Tamam? Huwa muslimun. Tamam? Fais la même chose avec la hiya. Hiya muslimatun. Kadalika. Il y en a hiya al-an. T'informes, tu apportes l'information que c'est une muslima. Donc, c'est le, ça mubtada. Donc, l'autre, c'est un khabar. La aboud. T'as trouvé le mubtada, celui qui va après, c'est son khabar. De quoi? Pas trop de, ou une, deux, machin, ça, non, parce que c'est une règle en arabe, c'est lorsque tu finis le dernier mot, c'est pas on dit pas Allahu, tu dis Allah. T'as même Allah, je t'arrête. Mais c'est là que tu veux dire Allah il est grand, Allahu Akbar. Là tu le prononces. Là on n'a pas dit Allahu Akbaru. Pourtant c'est la finition, la terminaison c'est. Lakin les arabes, lorsqu'ils s'arrêtent sur un mot, la terminaison là, la dernière harf, ils mettent une sukun dessus. Yaqifuna ala sukun. Il lisse pas le dinde. C'est pas, ça fait pas partie de la manière de faire chez les arabes. T'as hiya muslima. J'ai apporté l'information que hiya c'est le muslima. Donc c'est un mubtada. Donc l'eau c'est un khabar. Donc il faut qu'il s'accorde. T'as al-bab, mughlaqun. La porte elle est fermée. T'as fait la même chose avec al-nafidha. Qui est une fenêtre. Si vous connaissez pas ce vocabulaire là, c'est une fenêtre. Al-nafidha. Comment tu diras que la nafidha elle est fermée? مغلقاتون تمام المنديل واسخون رحمك الله المنديل واسخون اليد اليد نعم اليد واسخة لا لا c'est féminin ça dit اليد ah pourquoi parce que c'est deux membres du corps et il y en a deux تمام اليد اليد رجلت مربوطة بس لا انتبه و وسخة y a pas de prolongement c'est dit و y a pas de مد اليد وسخة الشاي حار الشاي c'est le thé الشاي حار le thé il est chaud. Comment tu diras pour le kahwa, café? Al kahwa tu? La bonne c'est ici. Har. Harun. Harun. Non? Pourquoi? Chauffe le kahwa comme il est écrit. Kahwa c'est il est féminin ou masculin? Il est féminin. Donc tu dois mettre au féminin aussi. Mais je sais pas comment on fait. Tu rajoutes marbuta. حارة القهوة تروح ايوه تمربطه التمربطه افون toujours avant elle aura toujours فتحه la lettre qui avant le تمربطه فتحه دائما لا y a pas d'exception دائما شوف اسمه اشاره صح اشاره راء فتحه صح دائما تبخن قاعده فاسم قاعده كليه دائما C'est que ça veut dire qu'à chaque mot, pour mettre en féminin, on a juste à mettre un ta. Ouais. Si jamais le mot il est en féminin, tu mets avec. Tu mets un thème arbota, ça devient féminin. Pour les adjectifs, pour tout ce qui est les adjectifs. Tout adjectif, tu mets juste un ta, c'est devenu. Ah. Si jamais, ça ne souffre pas d'exception. Mais sinon, la règle, c'est comme ça. Tout ce que tu veux mettre en féminin, tu rajoutes un thème arbota. À partir du moment qu'il est en masculin. Mathalan, tu veux dire pour une personne, yani, oh. Je veux dire, هذا يعني محمد جريح. Il est féminin dans l'art, je veux dire, lorsque tu le prononces dans les termes. محمد جريح. Je veux dire, Aminatu, elle est جريح, c'est quelqu'un qui est blessé. محمد جريح. Je veux dire, Amina, elle est blessée. Comment je dirais? جريحة. Là. Parce que là, celui-là, il n'a pas. C'est un qualif, un comment ça s'appelle? Un na'at. Tamam, c'est un accusatif qualificatif, je comprends ça. Tamam, c'est une sifa, c'est un qualificatif qui a pas de féminin. Dans son lave. Si asbes, asbes, mais celui-là, tu peux, par exemple, tu dis ah, mais tout jarih. Kadhalika. Il y a certains mots dans la langue arabe, ils n'ont pas de féminin dans l'autre, il y en a dans l'autre. Non, mais je veux dire, ça veut dire que plus tu avances et plus tu vas compléter ton vocabulaire, tu vois. Maintenant, adlun, adlun, pareil. Tu vas dire haza, adlun, wahia, adlun. Tu ne dis pas adlatun, c'est pas. Il y a des mots. Parce que comme c'est l'homme qui est juste. Koussam, je me désavoue de ce que tu viens de dire. Il y a des sœurs qui écoutent, après on dira qu'on est des machos. Ça va? Mais sinon, c'est ça. Là-bas, c'est ça. Tout, il y a une information ou tout qualificatif masculin qu'un féminin, tu rajoutes à la fin, tu m'arrêtes. C'est le mot souvent. Mais toujours, ça s'ouvre d'exception. Ça ne s'ouvre pas d'exception. تمام المسجد المسجد بعيد المدرسة ها المدرسة بعيدة نعم من هنا سيتو بارلي كاتيجي المدرسة المدرسة مي سي جامي مثلا لو تروك المدرسة بعيدة ça c'est le vrai parler là après les gens je me dis tu t'arrêtes normalement à la fin بعيدة ah moi je dis المدرسة ça veut dire quoi المدرسة il va dire allô la formation à chaque fin de mot là tu t'arrêtes à la fin. À la fin, lorsque toi tu veux t'arrêter, tu mets une soukoun. Si jamais tu veux lier, normalement, c'est pas tu dis al madrasa wa ba'ida mughlaqa que du soukoun là. Al asl c'est que tu parles. Amen toute la haraka. Al madrasa tu ba'ida wal fasl maftouh. Ah mais si tu mets pas ça, il y en a, c'est pas. إلى مسجد ذهب إلى المسجد على فكرة ما يعني تجي فين هو ذهب إلى هو ذهب أما مثلا تجي ذهب تجي فلان اللي بارتي أنت اللي بارتي شو بدي أقول ذهب عبد الله بدي أقول ذهب لا تبغى يبقى كم يبقى يفكر لا يبقى يفكر ذهب vas-y on suit on poursuit je veux dire donc الطالب مريض Fais-en de même pour la At-Taliba, tu diras At-Talibatun. At-Taliba. At-Talibatun. Non, il y a elle. Il y a elle avant. At-Talibatun. Maridatun. Tamam. Al-Hassan. Al-Hassan. Al-Hassan. Al-Hassan. Sari'un. Si vous ne connaissez pas le vocabulaire, vous me dites comme ça. J'explique, mais on va le dire quand même. Sari'a, c'est quoi? Rapide. J'ai jamais vu qu'on s'enregistre. Il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas. Vas-y. As-sayyaratu sari'atun. Naam. Al-qamar. Al-qamaru. Ça, c'est quoi? C'est féminin ou masculin? Non. Al-qamar. C'est masculin. Il y a des marvoudas, c'est là. Al-qamaru. Et surtout, le khabar, si jamais ça aurait été féminin, le khabar, il aurait pris quoi? Tamarou. Al-khabarou, al-khamarou plutôt, la lune est belle. Jamil. Jamilun. Jamilun. Tamam. Wash-shamsu. Parce que toi, tu pars sur la lune en français. Al-khamar, c'est pas la lune. Là, je veux dire, là, il croit que c'est féminin. En français, intabé. Al-shamsu. Jamilu. Shams féminin. Ah ouais. Ah, comme ça, tu auras pris une faïda. Shamsu Jamilatun. Vas-y. Al-Abu. Al-Abu. Al-Abu. Al-Abu. Il n'y a pas de chat. Al-Abu Jalisun. Jalisun. Al-Abu Jalisun. Al-Um Jalisun. Al-Um. Al-Um. Ah si. Ja. Tun ou tout dit. Tamam. Tamam. Tamam. Qala al kalimatu al jadida. Le nouveau vocabulaire. Al mikwa. C'est le frère passé. Tamam. Al mikwatu. Al mikwatu. Al mikwatu. C'est le frère passé. تمام الدراجة c'est la bicyclette, le vélo. الملعقة la cuillère. القدر la marmite. البقرة la vache. الفلاح l'agriculteur. الأنف le nez. الفم la bouche. الأذن l'oreille. اليد الرجل الشاي الرجل la jambe le pied c'est le قدم mais peuvent si il paraît tu peux utiliser ça pour ça مثلا اليد اليد c'est quoi اليد pour toi là c'est où doigt où la poignée اليد tu peux l'utiliser parce qu'il dit النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يده اليمين على اليمنى في الصلاة tu vois كان يقبض. Ils disent que la main, ça peut même de là, du catif jusqu'à l'extrémité du majeur. Ça englobe tout ça. Et des fois, ils disent, quand ils disent Eliade, ils veulent juste ça, ce qui est après le poignet. Des fois, ils veulent, il y en a, ce qui est le coude, l'avant-bras. Et ça, c'est khata, ça. Parce que Nabi Sassoum, il dit, il a le marfak. As-sa'id. As-sa'id, c'est marouf. C'est l'avant-bras. L'avant-bras, il commence d'où? Du poignet. Il s'arrête au coude. Il s'arrête au coude. C'est-à-dire que le début du coude, c'est plus Saïd, ça s'appelle Murfaq. Là, si je tiens ici, je suis en train de tenir quoi là? Mon coude. Le coude en arabe, c'est pas Saïd. Al-Murfaq, laisse Saïd. Il y a une différence entre Al-Murfaq, qui s'appelle le coude, ou Saïd, qui c'est l'avant-bras. C'est-à-dire que ça, là, c'est une khata. C'est pas la sunna. Il y en a qui font. Ceux qui prient comme ça, là, qui tiennent comme ça, ça, c'est une khata. Tamam? Donc, on était où? Al-Yad. Al-Rijl. الشايو الأم ما بدي الشايو donc le thé الأم la mère الثلاجة le frigérateur non frigérateur congélateur c'est non congélateur c'est le مجمد مجمد يسمى مجمد le congélateur المجمد c'est congélateur mais ils appellent tous ثلاجة حتى le thermos c'est ثلاجة عندهم. Non, ouais. Ça mais ça c'est dans le voilà. Al qahwatu café. Al sari ça c'est un sari rapide. Rapide. Al nafidatu jiddan. Yani très beaucoup. L'ouest et l'est ils ont pas dit quoi. Qu'est-ce que je m'achète dans le Maroc? Al shar. Al mashrit ou al maghrib. Si c'est dans les exercices. Al mashariq ou al maghrib. Ah ben c'est bien parce que c'est un nouveau mot. Ah. Donc le al mashariq c'est quoi? C'est l'Orient. Et l'autre c'est l'Occident, c'est ça? Al mashariq c'est l'Orient. T'as? Donc ça c'est le contenu de la leçon numéro 6. C'est-à-dire qu'il y avait dedans on a vu vous avez pu voir il y avait ism ishara, hadhihi, on a vu lam tamlik, tamam? On a vu ya al nida, je sais pas si c'était dedans. Allahu a'lam. À كل حال faites tous les exercices. Écra waktoub, tous les exercices. De la 7e. 6e. Là, on va rentrer dans la. On va juste lire le numéro 6. Tamam. Faites les exercices numéro 6. Et là, on va lire. Barakallahu fikoum, le numéro 7. Qala waffaqahu Allah. Qala ad-dars as-sabi'. Donc, le. Tam ad-dars as-sabi'. Le mubtada ou le khabar. Le dars, c'est le. C'est mubtada. Tu es d'accord avec lui? C'est chaud ça. Non, c'est ça. Ouais, parce que tu peux pas enlever le dars. Parce que si je dis que c'est Sabia, on ne sait pas de quoi. Sabia à quoi? Et si c'est dit Ad-dars Sabia, 7e leçon. Je viens, je fais. Y'a Farid, la 7e leçon. En fait, c'est tout. Non, pourquoi? Voilà, parce que en fait, qu'est-ce qui est venu là? Qu'est-ce que sous-entendu? Qala, yani ad-dars as-sabi', c'est معنى ايش? Hada ad-dars as-sabi'. Sous-entendu. Tamam? Mais lakin ad-dars as-sabi', hada. Juste sans sous-entendre quelque chose. C'est mufid? Est-ce que ça apporte une information? Si je viens, je te fais. Ad-dars as-sabi'. Non, mais j'aurais compris qu'il y a Mohamed qui est waqif. Si je te dis Ad-dars as-sabi', non, 7e leçon, mais elle a eu l'information. Les deux, c'est des khabar en fait. Ah, d'accord, ok. Elle a eu l'information. Moi, je sais que j'ai une information que Mohamed, que je connais pas, au moins, il est assis. Ama dars al-sabi'. Septième leçon. Je veux dire, est-ce qu'il y a? Non, là, c'est un. Comment ça s'appelle là? C'est un wasf avec un. On va le voir plus tard. C'est pas un mubtada, c'est pas un khabar. Qu'est-ce que c'est? Inch'Allah, c'est à venir. Inch'Allah. قال من هذه ما معنى هذه كيتن هذه آمنة أو آمنة فرد هذه آمنة آمنة l'exercice hein je sais pas mais آمنة هذه من هذه هذه آمنة أو آمنة هذه آمنة آمنة آمنة لماذا؟ pourquoi t'as pas dit Aminatun? Féminin. Féminin. Bakaratun. Les noms prénoms de femmes. Voilà. قال ومن تلك ومن تلك تلك فاطمة تلك c'est comme هذه. On va le voir. Sauf que تلك c'est pour démontrer une chose qui est lointaine. Tilki pour se nommer c'est la femme que t'es en train de parler une femme. Tu dis pas un homme, tu dis تلك. Voilà. Tilkum. Tamam. Pour ce moment, tu parles à des hommes. Tu es en train de montrer une chose qui est loin du genre féminin. Qala hadhihi tabibatun. Tilka Fatima. Je dis. Tilka Fatima. Donc, Yanni, c'est qui est plus proche de la personne? C'est Fatima ou c'est Amina? Pourquoi? Il a dit Tilka Fatima. Non, c'est plus loin. Wa hadhihi Amina. Donc, Amina est plus proche. قال هذه طبيبة وتلك ممرضة هذه من الهند donc cette personne là هذه طبيبة c'est cette femme là c'est un médecin et celle là c'est une infirmière ممرضة c'est une infirmière قال هذه من الهند donc elle vient de l'Inde وتلك من اليابان et celle là vient du Japon هذه طويلة donc celle-là elle est petite c'est طويلة elle est grande هذه طويلة donc celle-là elle est grande وتلك طويلة لا gros corpulent ثقيل c'est lourd واسع c'est large c'est long كبير c'est tout ce qui est corpulent tu peux dire quelqu'un qui est grand aussi كبير لكن le mot adapté c'est طويل la longueur طويل c'est pour la longueur amal kabir ça peut être la largeur ça peut être la hauteur il est akbar min kulli shay akbar min kulli shay akbar min kulli shay قال وتلك قصيرة et celle-là est courte من هذا هذا حامد c'est qui c'est Mohamed c'est Hamid ومن ذلك donc il fait une petite مراجعه ذلك الان ومن ذلك ذلك علي et c'est qui lui celui c'est celui-là plutôt c'est Ali اتلك دجاجه اتلك دجاجه دجاجه دجاجه on va la faire à la yéménite دجاجه دجماج دجماج اتلك دجاجه c'est facile non mais je veux ça Atilka dadjajatun, c'est tu, on va dire. Atilka dadjajatun, parce que le da, il est proche du djim, le makhraj. Dadjajatun. Et le djim, en plus, c'est une lettre qalqal. Ouais. Tous. Da gaga. Atilka dadjajatun, dadja, il y a une chède, hein? Dadjaj. Dajaj. Tu dis pas? Non, mais il y a. Sur lesquels ça veut dire que vous l'avez déjà vu, s'il a pas mis de truc. Dadjajatun. Sur le gym. Le gym. Tu veux pas mettre un mot, il commence pas par un tel. Un mot, il commence pas par un jadda. T'as compris? Un mot, il peut pas commencer par un jadda. Les mains, là, ceux qui trouvent, falahou, malahou. Parce que, un jadda, c'est une ibara de deux harf. Le premier, un sukun, et le deuxième, il est mutharrik, il a la voyelle comme on peut dire ça. Et le truc c'est quoi? Tu peux pas commencer en arabe par une sakin. C'est quoi une sakin? Sukun. Tu peux pas commencer en arabe par une sukun. Celui qui trouve alors, c'est quoi la récompense? Lahu ma lahu. Tu vas pas trouver. T'as vu? Atilka dadjajatun, est-ce que Est-ce que ceci est une poule ou celle-là c'est une poule? La tilka battatun. Battatun. Je vais rajouter un peu. Wa tilka la tilka battatun. حياك. وعندي في بيتي ان شاء الله في الظهر تمام. في البيت في البيت او في البيت بيتي تو او تا تكون في البيت في البيت او في البيت اي او ما في لها هذا تقول في البيت تاء ايوه احسنت روح في البيت يلا خلينا نواصل تمام دوك يجي الله يبارك فيك اتلك الدجاجه لا تلك بطاطه La tilka, batata. Je crois que c'est canne, hein? Wallah. Caneton, c'est l'enfant? Tiens. La couleur, le canard. Alhamdoukallah. Tamam, le canard. Donc il demande, est-ce que ceci est un poulet? Ou une poule plutôt? Et il dit non, c'est un canard. Tamam? C'est un canard féminin. Ah, c'est un canard, c'est un canard. Ça se trouve parce que maintenant tu dis, on dit le soleil. Ah, oh, mais ça veut rien dire. Ah, ça peut... Il y a des mots qui sont chez nous masculins en français qui sont féminins en arabe. Donc la leçon d'aujourd'hui c'est tilka. Ça repose sur tilka, donc elle est simple. C'est la même chose que zalika. C'est la même chose que zalika. Sauf. C'est la même chose que zalika. Comme hadihi, c'est la même chose que hada. Donc c'est la même chose. Il n'y a rien qui est compliqué. Tilka ismu isharatin lil mu'annath al mufradati lil ba'id. Donc c'est le pronom démonstratif ismu ishara lil mu'annath al mufrada. C'est pour le genre féminin, tamam, et singulier. C'est-à-dire lorsque tu démontres la chose, c'est féminin du genre féminin et singulier, il n'y a qu'une chose, tamam. Mais ba'id il n'a pas marqué. Lil ba'id. Tamam, lil ba'id c'est pour une chose qui est lointaine, tamam. Ensuite j'ai dit en bas mukawwan. Donc tilka il est composé. يعني تلك مكون من تي الإشارة الإشارية يعني تي هنا c'est quoi le pronom démonstratif dans تلك c'est le تا ici là تمام mais à la base c'est تي on va expliquer pourquoi le يا est parti après تمام à la base c'est تي donc le pronom démonstratif c'est تي c'est pas l'ensemble c'est pas le ال كاف le لام dans le كاف dans le تي c'est le pronom démonstratif c'est comme ذلك تمام dans ذلك le ذل là ذا c'est le pronom démonstratif Le lam, il bourde, le kef, il est très Là, c'est la même chose. Le pronom démonstratif ici, dans tilka, c'est le ta. Ti. À la base, c'est ti. On va expliquer pourquoi. Ti al-ishariya. Donc, le ti, ou la ti, il y en a qui explique, qui est utilisé pour démontrer une chose. Avec le lam, il bourde. Donc, c'est composé de ta al-ishariya. Le lam, il bourde pour exprimer la distance. El kef, koldu, ou al kef, il est très tab. Ou kef, il est très tab. Donc, mukawan min ti al-ishariya. Ou lam, il bourde. Ou al-kaf al-khitab. Trois choses. Le ta, le lam, ou al-kaf. Ensuite, j'ai dit en bas, asluha tilka. Pas mieux. Fahudifat il-ya'u l'ittiqa al-sakinain fassara tilka. Donc, à la base, c'était tilka. Comme ça. Avec le ya. Parce que le pronom démonstratif, c'est celui-là. Ti. Comme j'ai dit là. Mais quand tu prononces, le ya tilka. Non, le ya, chouf, après, là, il est plus là. Tu prononces plus, tu l'écris plus. Tu écris plus, tu prononces pas la kulha. Pourquoi? Après j'ai dit fahudifat. Donc il a été supprimé. Fahudifat il ya, tam al ya'u lil tiqa al sakinain. Ça va? La rencontre. Ah, parce qu'il y a deux secondes qui se sont rencontrées. Al sakinain fasara et ensuite c'est devenu tilka. Donc j'ai dit à la base. C'était tilka, donc ta, ya, lam, kaf. Fahuzifat il ya, donc après le ya de ti, il a été supprimé. Pourquoi? L'ittiqa is sakinain. Car, non, c'est pas afin, c'est dit quoi? Rencontrer, non. C'est afin de préserver. Que deux sakin, ils se rencontrent. L'ittiqa is sakinain, afin que les deux sakin, ils se rencontrent pas. Tamam? Parce que ça, dans l'arabe, deux sakinah, السكون مع السكون تبقى بس عن طريق أبدا تمام. ensuite فصار تلك تمام. après que on enlève le cas le ya تمام c'est devenu comme ça تلك. c'est comme on a dit là le lam voilà parce qu'il y a deux secondes. Deux secondes, ça ne se raconte pas dans l'arabe. Il n'y a pas. Donc, si jamais on voit qu'il y a deux secondes, ils sont obligés d'enlever une. Ils sont obligés d'enlever. Donc, on est obligé d'enlever celui-là. Avec le yin. De quoi ? Comment ça se fait qu'à la base, il y avait ça avec deux secondes ? C'est une erreur. Non, eux, ils sont venus expliquer. Parce qu'ils disent le pronom démonstratif, c'est ma'aruf, c'est pas ça. C'est pas juste ti. C'est pas ti. Tu vois ? Ils disent le pronom démonstratif. Tamam, c'est ti. Tu vois, comme le pronom pour le féminin, comme pour le masculin, c'est za. Ils disent, mais attendez, il y a un problème. Pourquoi maintenant, lorsqu'on dit tilka, il est où il y a ? Il est parti où il y a ? Tu vois, ils se sont posé la question, il est parti où il y a ? Ils sont venus, ils ont analysé, ils ont vu que la raison pour laquelle elle a été enlevée, il y a, Allah Alam, ils disent, c'est parce qu'il y a deux secondes qui se sont suivies. Il y a deux secondes qui se sont suivies. Il y a deux secondes qui se sont suivies, tamam. Asluha, donc là pourquoi ça a été enlevé l'IA? Pourquoi il a été enlevé l'IA? Parce que deux sakines se sont suivis. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé sakina huna, donc ils sont obligés d'enlever celui-là. Ah, tilka. Tamam, donc ils ont enlevé. C'est pour ça qu'ils l'ont enlevé, c'est devenu? Tamam, ça laissez-le, bon, comme vous l'écrivez. Khalas? Non, là, vous avez tout compris, hein? Qui c'est qui peut me récapituler le dors? Vas-y. Tilka, ça s'utilise pour le féminin lointain, singulier. C'est un quoi ? Hein ? C'est un quoi ? C'est un pronom démonstratif. Voilà. C'est mon méchant. Et les bords, c'est comme ça ? Ouais. Ou le kaf, c'est très tard. Pour le discours. Ouais, pour le discours. T'as. Après ? Il est composé ? Il est composé, ouais. Il est composé de deux. De trois ? De trois mots. Ouais. Le ti avec Aslan. Le ti, le ti. Ti, tu prononces bien ti, comme ça on comprend direct. Voilà. Le lem hein? Et le kaf. Ouais. Pourquoi l'IA est partie hein? Pourquoi l'IA est partie? Il y a deux sakines qui se. C'est comme ça que tu as dit ouais. C'est ça le purée, sakina? Non, c'est pas le purée. Hein? Sakina, sakinat, tu diras. Sakinat. Ouais. Parce qu'il y avait deux sakinat. Deux sakina. Deux sakina. Tu peux pas. Le français avec l'arabe, ça s'accorde pas. Il y avait deux sakina qui se suivaient. Donc il fallait supprimer le ya. Ils sont où les sakina? Sur quoi et quoi? Sur le ya et le dam. Ma'a tahiyyati dammaj.fr.com. Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar. Al-hadar min ar-rukun ila adh-dhalama min shi'ah aw hizbiyyin. لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين.